J'adhère à la prod et comme tout je me dois de la fumer. Avec autant d'assurance que pour les fautes que je dois assumer. Je maudis l'ennui et là l'essence se réveille. A ton avis la suite serait si belle si le sang se révèle. Mais peu importe, j'ai ma thérapie, mon truc pour attrister l'accord. Hey connard, tu peux tirer, j'ai découpé la corde. En activant ma plume, en décuplant ses forces. La feuille noircie au trait forcé qui joue le rôle que tu n'écorces. Et merde, on cherche quoi au final? Un soulagement? Non, un sixième sens qui me pousse au syndrome de la cigale. Ouais, malgré que mon rap est moins de classe qu'un récital. Du fond de la cave, si j'ouvre la trappe, j'aurais peut-être moins ce temps si pâle. On a le beat comme arme, l'essence est cul pour décharger des kills de lave. Ce qui n'empêche pas de faire trembler la cime de l'arbre. Et ouais, mon gars, on garde nos gammes. On retranscrit des scènes de drame. Genre le meilleur, sans oublier que je corde des scènes. Suffit de l'arbre. Suffit pas juste de laisser couler. Mais développer son sixième sens pour se défaire de sa boule au ventre. Chacun sa délivrance, son analyse, sa réflexion pour pouvoir trouver l'évidence. Suffit pas juste de laisser couler l'encre. Mais développer son sixième sens pour se défaire de sa boule au ventre. Chacun sa délivrance, son analyse, sa réflexion pour pouvoir trouver l'évidence. Chaque lettre a de l'importance, nous tire vers le haut. Accéder à la pertinence avec un blast sur bordereau. Patience et persévérance sont les maîtres mots pour délivrer les blessures qui nous collent dans le dos. A vrai dire, si je pense trop, c'est qu'à pas l'ombre d'un doute. La plume ancrée dans la peau, et même si nombreux s'en foutent, j'y mets tout mon sang pour éveiller mon sixième sens. Évacuer le gonflant et réveiller le facteur chance. Je te parle d'un symptôme situé dans le cortex. Une partie du cerveau fonctionnant en symbiose ou qui t'aspire dans le vortex et qui fait que t'imploses sans but et sans cause alors qu'avant tu t'en sortais. Un élément déclencheur, une vision décalée. La psychotique est le moteur d'une réaction de déjanté. Pas le temps de s'éventer, je préfère quand ça coupe le souffle. Je donne mon amour à ma feuille, comprends pourquoi mon couple souffre. Suffit pas juste de laisser couler l'encre, mais développer son sixième sens pour se défaire de sa boule au ventre. Chacun sa délivrance, son analyse, sa réflexion pour pouvoir trouver l'évidence. Suffit pas juste de laisser couler l'encre, mais développer son sixième sens pour se défaire de sa boule au ventre. Chacun sa délivrance, son analyse, sa réflexion pour pouvoir trouver l'évidence.